premier rendez-vous en Atibar. Ça fait ouais. Qu'est-ce un bagon ou vantal. Monsieur, on est la guerre d'Imi. Bonne ni ma vente à Régi. Bonne ni boire. Attends, bro, ma poule. Bonne ni boire. C'est comme nous, loulou. Ah, c'est la camarade. Oui. On a pour un programme de l'autre. Ah, ben ça. On a pour la fatigue. Moi, staff, eh? Ah, Mativona Zaho. Désolé, monsieur. Alors, pervers, ça dit, monsieur. Hé, hé, hé. Maïri, quoi, Maïri, quoi, d'un Maïri, quoi, d'un Mbola mangir fir, vous êtes non dans une zoé. Allo, un homme vient de ma ficodi. Allo, dans un homme y a la menye. Allo, il t'en a pas de stavan renye. Allo, mi a qui za wa mi nov yabe. Allo, zayi, bali baba. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, My record, they don't take you. My record, they don't take. My record, they don't take. yo yo yo, tana yo, tana tana tana tana yo. Allez la musique, pas fan. Allez la musique. Vous le faites dans le démonon touatique, Grand Showcase, avec Stamros, les vendredis du avril 2021, à partir de 21h à l'aube. À l'espace, vous le faites savoir la fin des vestes. Stamros, un showcase. Paf, 10 000 arrières. Organisateur, vous le faites dans le. Sonorisation, Relésius. Azadim Nifton Atik, Omni Espace Vula Fit Savo, la fin de l'Ivest, Miarakam Standros, un showcase. Grand showcase, Niazola Forum Vula en avril, 10 000 gars Matafet Olarek, Twizel Baling Bokiak, Mavia Maro Tskadiak. Standros, un showcase. Organisateur, Vula Fit Dumdol. Yaraka Ito Kantam, Yaraka Nanua Dide, Zapate Sidé. tu mets quoi couille, hein? Allez va. Isabella sua tata fosse papà, nani la dure che ti mette goia. Isabella sua tata cosa è papà, nani la dure che ti mette goia. Dia dia nikilera nani no, le napitali na indena mama mama. Dia dia nikilera nani no, le napitali Yeah. la vani Quara iwani nga no tenga fi Quara be valera no vola menea Quana zonoza wa dektar Ambar kom la fami kwe Anangana kutangu vatuwa Dividiana kutomobile Arano yuti avikuera nenga Tamanga Tamanga Ekanine tamanga Ekababa tamanga Beba Ekaviave Ano tizal comer kamna Hehe Ameza kumashi Sultitia, yeah. Atika miaraka, yeah. Avlea kanza refo Ano tikifonda muro Ano komangekiza, yeah. Ano tokusambata Karatika yeah. Wiri nulo, kotengiri ulo Ambaro komlafa mikwe Anangana kutangu vatu kwa Ibigana kutomobile Arano yuti avikuera nenga Tamanga Tamanga, tamanga, ekanine tamanga, ekababa tamanga, ekabiaba na utamanga, yeye love triangle manga ro, kama yiki love chano mazuto, ekama mane. Sasang sasan manman kalintang alosan manman kalawasan Nyolong mandem peti kolam losan mandem ipalago sasan manman kalintang alosan manman kalawasan Listen, come on, patron.